Chapitre 2e. Là-bas, au bord du torrent qui se perd dans la lagune, Harry Jones vient de reprendre connaissance. Il voit autour de lui Mamita, les mineurs et Joey. Puis il reconnaît Jean de Fer qui lui a sauvé la vie au péril de la sienne. Pénétré de reconnaissance, il lui tend la main et lui offre toute son amitié. C'est alors que Mamita, regardant avec horreur le fils du roi du coton, dit à Jean, vibrante d'indignation, « Mon enfant, tu as sauvé la vie au fils de celui qui fut le bourreau de ton père !» En attendant ces paroles terribles, Jean de Fer pâlit affreusement. Puis sa main retombe, pendant qu'il fixe, atterré, le jeune homme, sans pouvoir prononcer un mot. De son côté, Harry demeure interdit devant cette réprobation qu'il sent sincère, mais contre laquelle proteste d'autant plus sa dignité d'homme et sa piété filiale. Il fixe sur Jean ses yeux gris, bons et francs, et lui dit doucement « Hello, John, mon cher, écoutez-moi. J'adore mon père, qui est un homme excellent, très juste, et dont tout le monde chez nous proclame la haute loyauté. Les paroles prononcées par cette honorable personne me désolent plus encore qu'elles ne m'indignent. J'affirme, je jure qu'il y a là une cruelle méprise, car mon père a l'âme trop généreuse pour avoir jamais mérité ce mot atroce de bourreau. » Mamita semble se contenir avec peine. Pendant que le jeune homme tente par devoir et surtout par amour filial, cette justification qu'elle juge impossible. De sa voix grave qui frémit indignée, elle riposte « Oui, bourreau d'honneur, pire que celui qui tue !» Harry tressaille douloureusement. Il comprend que toute nouvelle protestation est inutile devant une conviction aussi profonde. Regardant toujours Jean de Fer, il ajoute, avec cette douceur qui contraste avec sa taille de géant et son habituelle brusquerie, « John, répondez-moi avec votre loyauté coutumière. Si vous aviez connu cette accusation affreuse, quand le torrent m'emportait, m'eussiez-vous laissé périr ?» Jean serre les poings, baisse la tête et répond d'une voix sourde, « Non. » « Et vous m'eussiez sauvé, n'est-ce pas ?»« Oui. » « Et vous ne regrettez rien ?»« Le crime d'un père, fut-il prouvé, ne doit pas rejaillir sur son fils innocent. »« Harry, je ne regrette rien. » »« Vous êtes un grand cœur, John. » Il s'arrête un moment, pousse un long soupir et ajoute avec effort. « S'il est au monde une chose effroyable et qui brise le cœur d'un enfant, c'est de soupçonner un père. Du plus profond de mon âme, je crois mon père innocent. Cependant, au nom de l'honneur, au nom de la vérité, je verrai, je chercherai, je saurai. Alors, que Dieu me pardonne de blasphémer ainsi la piété filiale. Si mon père était coupable, eh bien je ferai mon devoir. Oui, John, tout mon devoir. » À présent, refusez-vous toujours de serrer cette main que je vous tends comme un gage de reconnaissance infinie ? Jean, très ému, répond doucement, « Harry, j'ignore ce que l'avenir nous réserve, mais vos sentiments sont grands et nobles, et je retiens votre promesse. Vous m'aiderez, n'est-ce pas ? Et le plus tôt sera le mieux, car la vie pour moi n'est rien sans l'honneur de mon nom, et nulle puissance au monde ne pourra m'arracher un moment à cette tâche sacrée. Voici ma main. » « Merci encore, mon ami, mon sauveur. » Cependant, Mamita, stupéfaite, n'en peut croire ses yeux. Son âme toute simple de primitive, extrême en tout, ne conçoit que deux sentiments, le dévouement sans borne issu d'un amour passionné et la vengeance implacable née d'une haine farouche. Elle voit seulement le fait matériel qui lui paraît monstrueux et murmure attristé. « Oh, Tonio, mon Tonio, qui serre la main de l'autre, le fils du maudit !» Joey, lui, partage au fond l'éloignement invincible de sa mère et regarde stupéfait son frère de lait, dont l'acte très noble dépasse de beaucoup sa compréhension de demi-sauvage. Il y a un moment de silence douloureux, chargé de reproches muets que leur affection n'ose formuler. Par discrétion, les inconnus se sont un peu écartés. Ils sont une douzaine, des jeunes gens pour la plupart, costumés à la mexicaine, vigoureux, avec de franches et rudes figures. Des mineurs, à n'en pas douter, avec des bagages, des instruments, des provisions, deux tentes légères et deux voitures attelées de mules. Robustes, bien armés, ils ont de superbes chevaux qui broient à belles dents une copieuse ration de maïs. Ils fument de fines cigarettes, causent à voix basse et regardent avec une curiosité pleine de sympathie les trois jeunes gens dont les habits ruissellent et Mamita dont le visage mobile reflète étrangement la joie, la surprise et la haine. Jean de Fer contemple un moment ce pittoresque attirail d'aventuriers, salue cordialement de la main et de la tête ces hommes qui accompagnent sa mère d'adoption, et se lève. Il s'approche lentement de l'Indienne, met ses deux mains sur ses épaules, et la regardant bien en face, dans les yeux, avec une infinie tendresse, lui dit « Mamita, petite mère chérie, au nom de mon amour pour toi, au nom du souvenir sacré de ceux que nous pleurons, crois-moi, il faut qu'il en soit ainsi. » Vaincue, elle incline doucement la tête, n'essaye pas de lutter, de raisonner. Jean invoque son amour, Jean dit qu'il faut, il ne peut pas se tromper. Son regard noir s'obscurcit, sa voix se mouille et elle murmure, attendrie, « Qu'il en soit fait comme tu le veux, mon Tonio. » Il l'a promis de t'aider, lui. Et notre haine attendra, n'est-ce pas, mon José ? Oui, mère, répond gravement le métis. Et si Harry était perjure à sa personne, rien ne pourrait l'arracher à notre vengeance. Jean reprend, tenant toujours l'Indienne enlacée. À présent, petite mère, laisse-moi me reprendre un peu, te voir, te parler, t'embrasser, te crier ma tendresse. Pense donc, j'étais sans connaissance, mourant, aux trois quarts noyé après un plongeon de 40 pieds au fond d'un gouffre. Oui, interrompit Joey, c'était terrible, cette chute. Et quoi que je sache ce dont tu es capable, je crois que j'ai eu peur. Tu ne devinerais jamais ce qui m'a sauvé. Si, je m'en doute. Le faisceau de bambou qui nous a servi de pont et que j'avais jeté derrière nous dans le torrent. Parfaitement. Une roche l'avait arrêté. Je tenais d'une main Harry par le col de sa veste. Le courant nous emportait comme des plumes. Nous allions ou couler ou être brisés. J'aperçus les bambous. J'eus le temps de m'y cramponner de l'autre main et je ne me souviens plus de rien. Jusqu'au moment où je m'éveillais, la tête sur tes genoux, chère Mamita. Il me sembla que je faisais le plus doux des rêves, quand tout à coup le rêve devient une réalité bien heureuse. C'est toi, Mamita, ma petite mère, mon bon ange, que nous avons laissé là-bas, à Rajalito, et que je retrouve en plein désert, où la présence d'une femme paraît impossible. Ah, mon enfant, qu'est-ce que cela? Une promenade, en comparaison de nos luttes, de nos misères, de nos souffrances, quand nous fuyions tous les quatre, ton père, ta mère, mon pauvre Benito et moi, à travers les solitudes affreuses. Oui, je suis venu, poussé par un pressentiment. Quelque chose d'irrésistible, songe donc. Vous n'avez fait que paraître et disparaître là-bas, dans la petite maison où je serais morte loin de vous. Je n'ai pas eu le temps de vous aimer, ô mes enfants, qui êtes à vous deux toute ma vie. J'avais un éclair de bonheur, puis c'était dans mon âme la nuit, avec ses angoisses, ses terreurs, ses désespoirs. Et puis, je vous le répète, quelque chose me criait, « Tes filles sont en péril, ils ont besoin de toi. José, Tonio. » Vos voix m'appelaient, déchirantes. Rien au monde n'aurait pu me retenir. Je voulus partir, même seul, à tout risque, pour cette Sierra del Palo dont le nom seul m'épouvantait. Alors, j'achetai deux mules, des provisions et je me mis en route. Quand je rencontrai, en sortant de Rajalito, ces messieurs qui s'en allaient chercher fortune. Oh, prodige! Ces braves caballeros voulaient, eux aussi, explorer la montagne maudite, la Sierra del Palo. Je leur demandai s'ils voulaient me permettre de les accompagner, leur affirmant que je ne les gênerais point et que mon endurance égalerait la leur. Ils consentirent de grand cœur et devinrent mes amis. Nous avons marché sans relâche et nous sommes arrivés hier devant la Sierra qui, d'heure en heure, semblait fuir devant nous. Et mes craintes, chers enfants bien-aimés, n'étaient donc point chimériques, puisqu'au moment où je vous retrouve, tous deux, vous courez un danger de mort. Enfin, grâce à Dieu qui m'a protégé, mes fatigues et mes terreurs sont finies. José, Tonio, mes chers fils, je vous ai, je vous garde, et je ne vous quitte plus. » Elle étreint longuement, passionnément sur sa poitrine, les deux jeunes gens, qui remués jusqu'au fond de l'âme par cette explosion de tendresse maternelle, balbutient « Oh non, mère chérie, nous ne te quitterons plus, jamais plus. » Il y a quelques moments pleins d'une émotion délicieuse qui paye au centuple la bonne Indienne de toutes les douleurs passées. Tous trois goûtent encore cette joie inespérée, et déjà Jean de Fer songe que les circonstances dans lesquelles s'opère cette rencontre prodigieuse ne permettent guère de s'attendrir longtemps. Ils sont en effet en présence de faits terribles, encore inexpliqués. Ces faits, il leur importe de les connaître. Dans le premier moment, et devant la sanglante apostrophe de Mamita, Jean n'a pas eu le temps d'interroger Harry Jones. Quel drame obscur et poignant, Quelles cruelles péripéties ont pu amener près de la Sierra de l'Or ce milliardaire plus malheureux que le dernier des aventuriers? Car le plus indigent parmi ceux qui parcourent le désert possède au moins un cheval, une carabine et un lasso, tandis que lui, Harry, n'a plus rien, absolument rien. D'instinct, la pensée de Jean se reporte vers cette hacienda del Refugio, où il a laissé toute son âme. Et son regard intérieur perçoit, nimbé d'or et d'azur, la divine figure de Juana. Certes, Harry Jones ignore ses sentiments les plus chers. Il est bien évident que Don Blas ne lui a rien dit. Il ne soupçonne même pas ce jeune amour tout frais et clos, et déjà indestructible. Aussi, une pudeur instinctive l'empêche-t-elle de prononcer même le nom de l'hacienda, tant il craint de laisser pressentir son cher secret. Néanmoins, cette rencontre de Harry, dans de telles circonstances, lui fait craindre une catastrophe, et c'est d'une voix tremblante qu'il lui dit « Harry, nous allons bientôt nous séparer pour aller chacun de notre côté là où le devoir nous appelle. Oui, vous avez raison, John. Et la mission, cruelle peut-être, que j'ai à remplir ne souffre aucun retard. Comme vous manquez de tout, on va tâcher de vous ravitailler pour vous permettre de partir. Je suis à votre disposition. Je vais demander à ces caballeros s'ils consentirent à me céder pour vous un cheval, des armes, un zarap avec des cartouches et des provisions. L'idée me paraît bonne. Mais pendant que nous causons et que nous reprenons nos forces, après ce terrible saut dans le vide, je serai heureux d'apprendre comment vous vous trouvez ici, complètement seul et obligé de fuir, malgré votre courage éprouvé. Moi, je ne sais rien jusqu'au moment où je puis vous saisir au fond du gouffre, et je pressens quelque histoire terrible. Oui, John, vous dites bien, une histoire terrible, et je vais vous la dire en deux mots. Don Blas, forcé d'évacuer la hacienda, car tout allait de mal en pis, partit avec une caravane, emportant ce qu'il avait de plus précieux. J'escortais avec mes hommes. Nous allions pour fonder un nouvel établissement près de la lagune de Tlahualila. Nous étions presque au but quand une inondation formidable engloutit tout, bêtes, gens, matériel, fortune. Les trois quarts de mes pauvres compagnons furent noyés. Don Blas, sa femme et moi-même, roulés par les cascades, avons échappé sans savoir comment avec une quinzaine d'hommes. Cependant, un nom brûle les lèvres de Jean qui s'écrie haletant « Après, après !» Nous étions à peine réunis, mourant de froid et de faim, quand les desperados nous attaquèrent. Nous eûmes des morts pendant la lutte qui fut acharnée. Mais malgré nos efforts, Don Blas et Doña Leonora furent prisonniers des bandits. Du coup, Jean de Fer éclate, incapable de contenir plus longtemps l'horrible angoisse qui lui broie le cœur. D'une voix qui vibre comme un coup de cymbale, il s'écrie en serrant les poings « Mais elle, Juana, qu'en avez-vous fait ?»« Disparue, en pleine nuit, au milieu du désastre. » répond Harry, stupéfait de cette violence. « Ah, disparue, si j'avais été là, moi !» Mais elle se sauva par miracle, je ne sais comment, pour être à son tour, être faite prisonnière, hélas. Prisonnière, et de qui, mille tonnerres ? Ah, malheur aux gredins qui ont osé porter la main sur elle. Enfin, que savez-vous encore ? Dites, Harry, je vous en supplie. » À force de parcourir dans tous les sens les abords de la lagune, je finis par découvrir la piste de Miss Juana. Près d'elle se trouvait la trace d'un petit pied chaussé du mocassin, quelque indienne sans doute. Puis, des vestiges de lutte, au milieu d'empreintes de chevaux. La piste de Miss Juana et de l'indienne ayant été interrompue en cet endroit, je conclus qu'ils avaient été enlevés par des cavaliers. Nous étions 10 et nous prîmes la voie. Elle nous conduisit jusqu'au camp des desperados qui avait emmené déjà Don Blas et... sa femme. Ils étaient plus d'un cent. Néanmoins, nous fondîmes sur eux à tout risque. Ce fut une belle attaque, John, et un brave comme vous eût été fier de charger ainsi avec nous. Malheureusement, nous étions trop peu nombreux. Tous mes pauvres camarades succombèrent. Vous avez vu sombrer les derniers. Et je restais seul, fuyant, pour préparer la revanche, quand je m'abîmais dans le gouffre. Mais vous savez du moins le nom du gredin. Dites-le, Harry, dites-le vite. Il est sur vos lèvres. Andrés, oui, Andrés, le misérable, qui fut notre mauvais génie à tous et qui triomphe en ce moment. Oh, pas pour longtemps, gronde Jean de Fer d'une voix terrible qui fait frissonner le groupe des mineurs. Sangre de Dios, hurle Joey que le nom d'Andrés met en fureur. Bataille, alors une rude bataille. Oui, frère, le temps de retrouver nos armes, nos chevaux, et nous tombons sur ce ramassis de coquins. Et quoi, seul ? fait Harry étonné. « Pardieu, et sans nous gêner !»« Nous vous avons montré, devant l'hacienda, que le nombre ne nous fait pas peur. Vous êtes les hommes les plus intrépides qui soient au monde. Je serais heureux et fier si vous m'acceptiez pour compagnon de lutte et de péril. Dites, le voulez-vous ? » Jean répond avec dignité. « Je ne voudrais pas priver ces malheureux prisonniers d'un concours tel que le vôtre. Soyez des nôtres, Harry. Merci, mes amis. Je serai digne de vous, n'en doutez pas. » Pendant ce rapide colloque, les mineurs se sont rapprochés. Prenant la parole au nom du groupe, l'un d'eux s'adresse à Jean et lui dit sans préambule « Vous connaissez bien le désert, n'est-ce pas, Caballero ?»« Oui, ami, je le crois. » »« Vous savez alors qu'en dehors de ces gens de sac et de cordes, ils renferment des hommes d'honneur, que l'injustice révolte et que le malheur apitoie. » »« Nous connaissons Andrés Romero. C'est un monstre, et une nouvelle infamie de sa part ne nous étonne pas. Il est temps de débarrasser le pays de ce bandit. Nous sommes là 12 bons compagnons. » Cavalier de race, vigoureux, pas poltron, et maniant habilement le lasso et la carabine. Voulez-vous nous mener contre Andrés et sa racaille ? Avec un chef tel que vous, nous serons invincibles. Tout ému, Jean écoute, ravi, ce petit discours où éclatent la résolution et la loyauté. Il prend la main de l'homme, la serre énergiquement et s'écrie « Viva Dios !» Vous me demandez si j'accepte, mais avec enthousiasme. Seulement, entendons-nous bien, vous êtes chercheur d'or, n'est-ce pas ? Oui. Et dans tout Digger sommeille un bon garçon follement épris de Orion et de chevaucher. Je le sais, mais ce n'est pas cela que je veux dire. Votre temps est précieux, et si j'accepte avec reconnaissance votre dévouement, je prétends vous dédommager des journées perdues à vous battre. Chacun de vous, après l'expédition, recevra 25 000 $. Caramba, c'est plus qu'une fortune ! S'écrie le mineur ébloui. Mais nous ne vendons pas notre concours. J'en suis convaincu. Mais un chef a le droit et surtout le devoir de solder ses troupes. Et je veux vous offrir des arrhes. Ce sera votre entrée en campagne. À ces mots, il plonge la main dans une de ses poches et la retire pleine de pierreries, puis il ajoute « Veuillez, je vous prie, me prêter votre chapeau. » L'homme présente son sombrero. Jean y laisse tomber les pierreries qui flamboient au grand soleil et dit encore « Elles sont de bon aloi. Du reste, tout Digger se connaît en pierres précieuses et vous pouvez en juger. Veuillez vous les partager, elles sont à vous. » Électrisé par ces paroles et ce geste de grand seigneur, les mineurs brandissent à bout de bras leurs armes et s'écrient à pleine voix « Vive Jean de Fer, vive notre chef intrépide et généreux !» Et Harry Jones, interdit, confondu, malgré son flegme américain, songe par lui « Quel homme, qui éparpille ainsi une fortune, soulève de tels enthousiasmes et part follement accomplir une tâche impossible devant laquelle je me suis brisé. » À présent, Jean marche de long en large, vivement, réfléchit, s'arrête, repart et semble méditer un plan d'attaque. Étant donné l'intrépide brise-tout que l'on sait, il est à supposer que ce plan doit être follement audacieux. Enfin, il dit, en frappant du pied sur le sable, « C'est ça, j'y suis, oui, c'est bien ça !» Il s'approche de la métisse et ajoute, en adoucissant le timbre de sa voix devenue vibrante, impérieuse, « Petite mère chérie, j'ai disposé de toi. Tu vas partir, toute seule et sans retard. » « Je suis prête, mon enfant. Tu sais, à la vie et à la mort. » « Du fond du cœur, merci. Embrasse-moi. Toi, Joey, pars chercher nos chevaux et nos armes. » « Combien de temps te faut-il ? 2 heures. » « Même temps ici, pour nos préparatifs. 2 heures. Va, frère, et fais pour le mieux. Et nous, mes amis, au travail. »